Les présidents congolais et azerbaïdjanais ont fait parvenir les messages de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Les dessinateurs l'ont félicité chaleureusement pour le 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée. Ils lui ont formulé leur hommage sublime et souhaité bonheur et prospérité au peuple coréen ami.